Chapitre 3e. Oncle Brocard, connaissez-vous M. Jean de Santenauge ? Très peu. Je l'ai aperçu une fois. À quel propos t'inquiètes-tu de lui, fillette ? Sans répondre à la question de son grand-oncle, Marianne continua. Les Santenauge, est-ce une famille du pays ? Je crois bien, et des meilleurs. Avant la Révolution, le grand-père de celui-ci était seigneur de Pralay et propriétaire de toutes ces forêts que tu vois à droite et à gauche. Cette conversation avait lieu en plein bois, sous la capote d'un modeste cabriolet qui servait au docteur Brocard pour ses visites lointaines dans les fermes éparses au milieu de la forêt. Marianne l'avait accompagné chez un de ses malades et ils s'en revenaient tous deux par le chemin de Maigrefontaine. Un joli chemin forestier, bordé de tilleuls dont les branches fleuries frôlaient à chaque instant le cabriolet. « Un maître homme, ce vieux Santenauge, » reprit Denis Brocard. « Je me souviens de l'avoir vu dans ma première jeunesse. Il aimait à bien vivre et menait grand train. »« Puisqu'il avait si grand train, » demanda Marianne, « comment se fait-il que son petit-fils soit devenu si pauvre ?»« C'est que vois-tu, Marion ? Il en est des familles comme de la lune. Elles s'arrondissent petit à petit, se montrent dans leur plein un beau soir, puis décroissent et disparaissent. Les Santenauge n'en sont même plus au dernier quartier. L'aïeul ayant émigré, ses biens furent vendus par la nation. » À la restauration, le père de Jean toucha une petite part d'indemnité dans le fameux milliard, et il s'en servit pour monter la forge de Virloux. Mais c'était encore un original que ce Jacques de Santenauge. Au lieu de chercher à se remettre en état par un bon mariage, il s'amouracha de la fille d'un garde nommé Simonette. Le beau de l'affaire, c'est que le forestier, bien qu'il n'eût pas un sou vaillant, ne se souciait pas de donner sa fille au maître de Virloux. Les deux jeunes gens ne pouvaient se voir qu'en fraude, et Jacques faisait trois lieues, la nuit, à travers bois, pour causer avec sa bonne amie. Enfin, il l'épousa, malgré vents et marées. Mais l'amour fit tort à la forge. Un jour, faute d'argent, l'usine chôma. Et voilà comme le fils de Jacques et de la belle Simonette, Jean de Santenauge, ne possède pas aujourd'hui un rouge liard. Marianne avait écouté attentivement cette histoire, et maintenant elle restait pensive. Ses beaux yeux bleus suivaient rêveusement les ondulations des feuillets qui descendaient par nappes verdoyantes jusqu'au creux de la combe de Maigrefontaine. Ses narines roses, aux ailes mobiles, aspiraient l'air imprégné de l'odeur suave des tilleuls. Il songeait à Jacques de Santenauge traversant la nuit cette même forêt pour aller causer avec Simonette. Tout à coup, elle ramena ses regards vers son grand-oncle et encore à demi plongée dans son rêve, elle demanda « Oncle Brocard, vous l'avez connue, cette Simonette ?»« Parbleu, avait-elle les yeux bruns ?»« Tu m'en demandes trop !» s'écria Denis Brocard en riant. « Que diantre cela peut-il te faire qu'elle ait eu les yeux bruns ou bleus ?»« C'est pour savoir si son fils lui ressemble. Il les a bruns, lui aussi. »« Ah ça, tu as donc vu Jean de Santenauge ?» s'exclama M. Brocard stupéfait. « Mais oui. » Elle compte alors l'aventure du Brisca, l'hospitalité reçue à Virloux, et la façon étrange dont M. de Santenauge avait insisté pour la congédier avant la nuit. Au commencement, le docteur avait écouté cette confidence avec une certaine inquiétude. Sa physionomie ne s'épanouit que lorsqu'il eut appris le redénouement de cette aventure. « Ce Santenauge, » murmura-t-il en respirant plus à l'aise, « vaut mieux que sa réputation. C'est égal, fillette, son conseil était sage, et je t'engage à ne jamais parler de ta visite à Virloux. Pourquoi ? Parce que... Bon, je t'expliquerai cela plus tard. » Le cabriolet suivait une route herbeuse qui descendait au fond de la gorge. De chaque côté, les versants boisés se rapprochaient et jetaient une ombre plus épaisse sur le chemin. L'air était devenu plus frais grâce au voisinage du ruisseau qui sautait bruyamment sur les pierres. À travers ce bruit d'eau, le vent apportait par bouffées les sons sautillants d'un violon. « Hein ?» fit Denis Brocard en prêtant l'oreille. « D'où vient cette musique ? Est-ce qu'on donne un bal dans la combe de Maigrefontaine ?» Il chatouilla de son fouet le dos de sa jument clairette, qui se mit à trotter plus allègrement. À chaque tour de roue, les notes du violon arrivaient plus distinctes, et lorsque le cabriolet eut contourné un bouquet d'aunes et de noisetiers, un joyeux spectacle attira l'attention de l'oncle et de la nièce. Au fond de la combe, à l'endroit où le ruisseau courait plus librement sur un terrain plat et gazonneux, s'élevait une hutte de sabotiers. L'un des versants boisés avait été exploité récemment, et de longues piles de rondins étaient alignées, en plein soleil, sur les pentes fleuries de patoirs et de millepertuis. l'autre versant relevait en face sa verte muraille de hêtres et de chênes, et projetait une ombre bleuâtre sur le ruisseau ainsi que sur la hutte, au seuil de laquelle le maître sabotier évidait attentivement une paire de sabots. Il travaillait seul, et le reste de l'atelier était en liesse. Deux ouvriers et un apprenti, auxquels faisaient vis-à-vis trois jeunes paysannes à la jupe déchirée et aux chignons en désordre, battaient les entrechats sur la pelouse, tandis que, perché au sommet d'une pile de fagots, le chapeau sur la nuque et le cou nu, Jean de Santenoux en personne raclait son violon avec une verve enragée, ne s'interrompant que pour interpeller les danseurs et leur lancer de gaillardes plaisanteries. « Chaîne des dames » criait-il de sa belle voix sonore. « Allons, en mesure, sacrebleu ! Manchin, serre-moi franchement la taille de ta danseuse. Catherinette n'en sera pas fâchée. Et toi, Manette, saute, ma fille, sans craindre de montrer ton mollet. Nous le connaissons. Ce n'est pas tout que d'avoir une jolie jambe. Il faut savoir s'en servir. En mesure, mes enfants, en mesure. » Et violon de chanter et fille de se trémousser. Les jupons volaient en l'air. Les bras serraient les tailles. Les chignons se dénouaient à travers de grands éclats de rire qui faisaient étinceler toutes ses dents blanches et tous ses jeunes yeux. « Sont-ils heureux, ces gueux-là ? » grommela Denis Brocard en passant sa main sur sa bouche. « Descendons pour les voir de plus près. » L'oncle et la nièce mirent pied à terre et s'avancèrent vers les sabotiers, mais ils avaient à peine fait quelques pas sur la pelouse que le violon s'arrêta brusquement et les danseurs restèrent la jambe en l'air. Jean de Santenoge venait de reconnaître Marianne Février. Honteux d'être surpris par elle en semblable compagnie, il avait sauté à bas de son estrade de fagot et, déposant son violon, il se tenait immobile derrière un hêtre et rougissait, penaud comme un écolier qui serait pris la main dans un sac de noix. « Bonjour, mes enfants !» cria le docteur. « Ne vous dérangez pas, mordieu, je ne suis pas un rabat-joie !» Il alla d'abord vers le maître sabotier, lui tapa sur l'épaule en lui demandant des nouvelles de ses rhumatismes. Puis, faisant un crochet, il se dirigea seul vers Jean de Santenoge, qui ne bougeait de derrière son arbre. « Monsieur de Santenoge, lui dit-il cordialement, « ma nièce m'a conté le service que vous lui avez rendu. Vous êtes un brave cœur et un galant homme. Permettez-moi de vous serrer la main. Si jamais vous avez besoin de Denis Brocard, ne vous gênez pas. Maintenant, remontez sur vos fagots et ne faites pas languir cette jeunesse-là. Ça réchauffe le sang de voir tricoter ses jambes de 20 ans. Il y a surtout là-bas une luronne toute décoiffée et dont les appâts font craquer le casaquin rouge. Mazette, monsieur Santenoge, c'est un friand morceau. Comment la nommez-vous ? Ah, Manette Bordet, répondit en riant Santenoge, que le bon accueil de Brocard avait remis à l'aise. Vous n'avez pas mauvais goût, docteur. C'est la plus fringante et la plus appétissante des filles de Pralay. Elle est vive comme une anguille et sa langue vire aussi lestement que ses jambes. Allez lui parler, vous verrez. Elle n'est point farouche et ne hait point les compliments. Denis Brocard ne se le fit pas répéter. Ce brave docteur n'avait qu'un défaut. Il ne pouvait pas se figurer qu'il était septuagénaire. La vue d'un cotillon lui donnait la berlue. Il lui affluait alors au cerveau des remontées de sève. On le voyait soudain, épanoui et vert, comme ces vieux pommiers qui ont en octobre des repousses de feuilles et de fleurs. En un clin d'œil, il fut auprès de Manette. Il bourdonnait autour de l'alerte bûcheronne, comme un grand papillon de nuit autour d'une mélisse sauvage, battant des ailes, murmurant d'anti-gaillardise et oubliant totalement sa nièce. Celle-ci était restée près du sabotier. Elle avait du premier regard reconnu Jean de Santenoge, mais du même coup elle s'était sentie indisposée contre lui. Elle lui en voulait de la société qu'il fréquentait et du plaisir qu'il semblait y prendre. Aussi ne fit-elle pas mine de l'avoir aperçue. Les yeux baissés, la lèvre dédaigneuse, elle lui tournait le dos, tourtillant une branche entre ses doigts, et fort absorbée en apparence dans la contemplation du travail du maître sabotier. Jean de Santenoge, qui avait repris son aplomb, ouvrait au contraire ses yeux tout grands pour la mieux admirer. Elle lui semblait plus charmante encore qu'à leur première rencontre, et il mourait d'envie de lui parler. À la fin, il quitta son arbre, vint droit à Marianne et ôtant son grand chapeau de feutre recroquevillé. « Je vous salue, mademoiselle, » dit-il, « ne me reconnaissez-vous point ?» Elle retroussa l'un des coins de sa bouche et, conservant toujours ses yeux sournoisement baissés vers la branchette que ses doigts déchiraient, « Si fait, monsieur, » répondit-elle, mais vous étiez si occupé que je me serais reproché de vous donner des distractions. » Il se mit à rire. « Voyons, mademoiselle, » reprit-il, « votre oncle vient de me faire un accueil si amical. Serez-vous moins indulgente que lui, et me tiendrez-vous rigueur parce que je passe mon temps à jouer du violon ?»« Je ne vous tiens pas rigueur. Ce serait de ma part très déplacé. Et puis avouez que cela ne servirait à rien. » « C'est-à-dire que vous me jugez incorrigible et incapable de m'occuper de besognes sérieuses. » « Vous n'avez peut-être pas tort. Je ne suis pas bon à grand-chose. Et je gâte l'ouvrage, rien qu'en le regardant. » Les lèvres de Marianne ébauchèrent un sourire ironique. « Je crois, murmura-t-elle, que vous vous bornez souvent à le regarder. »« Ma foi, oui, répliqua-t-il. Je suis paresseux de naissance. C'est la faute de la forêt. Elle me gâte. Elle me donne ses fruits et son gibier en automne. Son bois mort en hiver pour faire de belles flambées, ses fleurs et ses oiseaux en avril. J'y trouve en toute saison de l'air, du soleil et de la liberté. Que faut-il davantage? Quand je me retournerai les ongles pour amasser quelques sous, en serai-je plus avancé? Je ne sais pas, moi, riposta Marianne en haussant les épaules. Consultez plutôt ce vieux sabotier. Il doit s'être fait une opinion là-dessus, tandis qu'il se retourne les ongles à creuser son bois, en écoutant M. de Santenot jouer du violon. Le donjon de Virloux rougit légèrement et regarda Marianne sans trop savoir que répondre. Elle avait un petit air indigné qui la rendait encore plus jolie et qui redoubla la confusion de son interlocuteur. « Ce sabotier, reprit-il enfin, a une femme et des enfants à nourrir. C'est une raison que je n'ai pas, et vous conviendrez qu'on ne fait pas une pareille besogne comme on fait la charité, pour l'amour de Dieu. » « Vous vous trompez, repartit vertement Marianne scandalisée. « On travaille aussi pour l'amour de Dieu. » J'aime mieux travailler pour l'amour de vous, dit-il étourdiment. En entendant cette irrévérencieuse réponse, la jeune fille devint vermeille comme une guigne et tourne le dos à Santenauge. Elle marcha vers le docteur Brocard, qui ne se lassait plus de couler des galanteries salées dans l'oreille de cette belle dégourdie de manette. Oncle Brocard, insinua Marianne en le tirant doucement par le bras, voici qu'il fait brun et je crois qu'il faudrait rentrer. C'est ma foi vrai, s'écria le docteur. « Comme le temps passe, voici la nuit. » Il souhaita le bonsoir à la compagnie. Marianne fit un bac salut à tout le monde, et l'oncle et la nièce remontèrent dans le cabriolet qui se remit à rouler péniblement dans le chemin forestier. Il faisait déjà sombre sous les arbres, et avant qu'ils eussent atteint la tuilière, les premières étoiles commencèrent à poindre entre les branches. Parmi la mousse des talus, quelques vers luisants allumaient dans la nuit leurs petites lampes d'un vert phosphorescent. Et l'odeur des tilleuls embaumait la route. Le docteur se pourléchait en son pardonnant au souvenir des charmes robustes de Manette Bordet. Les brunettes galantes et les petits airs tendres de sa première jeunesse lui revenaient à la mémoire et il les fredonnait tout en fouettant sa jument. Marianne restait silencieuse. La senteur pénétrante des tilleuls la grisait et pour la première fois son cœur se sentait remué par un trouble inconnu. Elle avait la poitrine gonflée et elle suivait avec des yeux charmés les lumières verdâtres des vers luisants épars dans l'herbe. Puis elle pensait au clair regard de Jean de Santenauge. Elle se rappelait ses dernières paroles et une subite rougeur lui montait aux joues tandis que sa poitrine devenait oppressée. Était-ce donc là l'amour, cet amour si dangereux et si doux dont lui avait parlé son livre de Paul et Virginie? Elle éprouvait une joie sourde à se le demander. Et en même temps, de terribles scrupules de dévote l'effarouchaient. L'amour n'était-il pas un péché? Et pendant ce temps, le docteur chantonnait de sa voix légèrement chevrotante. « Que fais-tu dans ce beau séjour? Tu perds le temps, Sylvie. Sans goûter les plaisirs de l'amour, peux-tu passer la vie? Ne dois-tu pas songer à choisir un berger? » Les vers luisants continuaient à égrener leurs perles phosphorescentes. L'odeur amoureuse des tilleuls semblait suivre la voiture. Marianne se sentait de plus en plus troublée, et ce fut ainsi jusqu'à Aubrive. Quand elle rentra chez elle, il était plus de 9 heures. Monsieur Février s'était déjà couché. Marianne grignota la hâte sans souper, et se sauva dans sa chambre où elle resta des heures à regarder les étoiles qui se miraient dans l'aube. Le lendemain matin, quand elle s'éveilla, le soleil était déjà haut à l'horizon. Elle avait les yeux cernés et se sentait languissante. À l'heure du déjeuner, elle entra dans le bureau où M. Février avait le nez dans ses paperasses. « Comme tu es rentré tard, Marion, » dit-il à sa fille qui l'embrassait. Il paraît que tu ne trouves pas le temps long quand tu cours les champs avec monsieur ton oncle. » Il essuya ses lunettes, les replaça sur son front, se frotta les mains et ajouta « Je n'ai pas non plus perdu ma journée, moi, et j'ai obtenu l'incarcération d'un délinquant dont je vais débarrasser le pays. »« Quoi ? Vous allez faire emprisonner quelqu'un ?» s'écria Marianne. « Quel crime a donc commis ce pauvre homme ? Et toi aussi, tu vas le plaindre ? Un garnement qui a fait plus de tours que de miracles. Il a mangé son pain blanc le premier, et demain, au petit jour, les gendarmes empoigneront monsieur le Centenoge. »